إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah, exalté soit-il, glorifié soit-il, comme il se doit. Et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah et rappelez-vous du jour où vous reviendrez devant Allah. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah, et que toute chose nouvellement inventée dans la religion complète d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par ses actes sont des innovations religieuses, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Allah glorifié soit-il a dit, dans la traduction du sens du verset 42 de sourate Ibrahim, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. وقال سبحانه إن الله لا يحب الظالمين. Allah glorifié soit-il a dit, dans la traduction du sens du verset 57 de Sourate Ali Imran, certes Allah n'aime pas les injustes. أيها المسلمون الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. Serviteur d'Allah, l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim dans leur sahih authentique, l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Wa qad harrama Allah ta'ala adh-dhulm 'ala nafsihi wa ja'alahu muharraman bayna 'ibadihi. فقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم. Et Allah le Très-Haut s'est lui-même interdit l'injustice et l'a rendu illicite entre ses serviteurs. Dans le hadith qudusi, Allah le Très-Haut soit-il a dit: ô mes serviteurs, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous alors ne soyez pas injustes. والظلم عباد الله انواع ظلم العبد لربه وهو اعظمها الشرك بالله عز وجل قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم. L'injustice est de trois sortes. La première, c'est l'injustice envers Allah. Et l'injustice envers Allah, la pire des injustices, c'est shirk, l'associationnisme à Allah. Le polythéisme, comme nous l'avons vu la semaine passée, qui consiste à donner un partenaire à Allah, dans le sens où vous craignez une chose comme vous craignez Allah, ou bien vous invoquez quelque chose ou quelqu'un qui est mort au ressort, comme vous invoquez Allah, ou que vous sacrifiez pour autre qu'Allah, ou que vous lisez les horoscopes, ou que vous croyez les gens, les charlatans qui vous disent que demain tu auras le bonheur, etc. Parmi, et il y a encore plein d'autres types. Et ça, c'est la plus grande des injustices. Et comme on se rappelle, les associateurs du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne reniaient pas l'existence d'Allah. Ils croyaient en Allah. Ils adoraient Allah. Mais ils associaient à Allah dans leur invocation. C'est-à-dire que ils ne voulaient pas, ils ne reconnaissaient pas, ils n'acceptaient pas que lorsqu'ils invoquaient Allah, eh bien, ils devaient l'invoquer seul. Ça, ils ne l'acceptaient pas. Ils considéraient que les divinités, les statues qu'ils ont mis en place, ont le droit d'être invoquées comme ils invoquent Allah. Et ça, c'est le polythéisme majeur, l'associationnisme majeur. Quiconque le pratique, même s'il fait ses salats 5 fois par jour, même s'il fait le hajj, même s'il fait la omra, même s'il donne les sadaqas, ça ne vaudra rien. Il sera exclu de l'islam par cet acte-là. On ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui attendent des années et des années pour aller à la Mecque, et ils arrivent, je vous le dis parce que c'est une personne qui est partie là-bas qui m'a dit ce qu'elle avait fait, qu'Allah la guide, et nous guide, amin. Et elle disait qu'elle était arrivée au niveau de la Kaaba et elle s'est mise à invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a attendu toute une vie pour faire le hajj et lorsqu'elle arrive, elle va associer Allah azza wa jal dans le haram al-Mekki. Donc ça, c'est la pire des injustices. Et quiconque le pratique est exclu de l'islam, qu'il veuille ou non. Il est exclu de l'islam. Et s'il meurt sur cette croyance sans s'en être repenti, Allah a promis pour ce genre d'individu l'enfer pour l'éternité. Donc, l'injustice, elle est de trois sortes. Le premier, l'injustice envers Allah, qui est le shirk billah, le polythéisme, tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens verset 13 de Sourate Luqman. Certes, l'associationnisme est vraiment une immense injustice. Le deuxième, وَظُلْمَ الْعَبْدِ لِلنَّاسِ بِأَخْذَ مُوَالِهِمْ أَوْ الْيَعْتِدَى عَلَيْهِمْ أَوْ بَخْسُ حُقُوقِهِمْ. L'injustice envers autrui, envers les gens, en prenant leurs biens, leurs droits, ou en leur faisant du tort, par quelque moyen que ce soit, en mentant sur la personne pour essayer de lui faire des problèmes ou quoi que ce soit. Et c'est arrivé de nombreuses fois, ce genre de situation. والظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب التي تبقه يوم القيامة. Le troisième type d'injustice, c'est l'injustice envers soi-même en commettant des péchés qui lui seront préjudiciables le jour de la résurrection. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من الظلم فإنه دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم. Craignez donc l'invocation de l'opprimé, craignez Allah Azza wa Jal, et craignez l'invocation de celui qui a été opprimé ou lésé, Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté dans les deux authentiques de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfie-toi, crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم. Selon Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agré, un homme s'assit devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, j'ai des esclaves, du temps est-ce qu'il y avait des esclaves, j'ai des esclaves qui me traitent de menteurs, me trahissent et me désobéissent. Alors, je les insulte et je les frappe. Quelle est ma situation vis-à-vis d'eux ? Qala yahsabu ma khanuka wa 'asawka wa kadhabuka wa 'iqabuka iyyahum fa in kana 'iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kafafan. La laka wa la 'alayk. Wa in kana 'iqabuka iyyahum dun dhunubihim كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit donc à cet homme qui lui a expliqué la situation. Il dit, il te sera pris en compte ce qu'ils t'ont fait en termes de trahison, de désobéissance et de mensonge. Et ton châtiment envers eux. Si ton châtiment est proportionné à leur faute, ce sera équilibré, ni pour toi ni contre toi. Si ton châtiment est inférieur à leur faute, ce sera en ta faveur. Mais si ton châtiment dépasse leur faute, ils prendront de ton mérite en compensation. فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Alors l'homme s'écarta après qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire cela. Il s'écarta et se mit à pleurer et à crier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ne lis-tu pas le livre d'Allah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Anbiya verset 47 dans la traduction du sens, nous établirons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée en rien. Aucune âme ne sera lésée en rien. Et fût-ce du poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Il nous suffit d'être comptable. Rien n'échappera à Allah, subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَهُمْ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلَّهُمْ أَخْرَجُهُ الترمذي بإسناد صحيح. Donc l'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, ô messager d'Allah, je ne trouve rien de mieux pour moi et pour eux que de me séparer d'eux. Je prends Allah à témoin qu'ils sont tous affranchis et libres. Et ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, comme il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah. فَلْيُرَاجْعَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ مَعَ النَّاسِ فإن كان يمضي فيه بالتجاوز والتخفف فالأمر كفافا له ولا عليه وإلا فليكن في غاية اليقظة لا لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندام يوم القيامة. Que l'homme fasse donc un examen de conscience dans toutes ses réactions avec autrui. S'il agit avec indulgence et facilité, l'affaire sera alors équilibrée pour lui. Mais sinon, qu'il soit alors extrêmement vigilant afin de ne pas se charger des injustices envers les serviteurs d'Allah, injustices qui seraient pour lui des regrets au jour de la résurrection. Et l'injustice, ça concerne pas juste être injuste envers les musulmans, avec toute l'humanité. Il ne faut pas être injuste, peu importe que ce soit un kafir ou que ce soit un musulman, il ne faut pas être injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqillah haythuma kunt » « Crains Allah où que tu sois » « Wa atbi' al-sayyit al-hasana tamhuha » et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera « Wa khaliq al-nas bi khuluq al-hasan » et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Et les savants ont expliqué que les gens, c'est les gens en général, toute l'humanité, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Wa an yuzkar nafsuhu da'iman bil wuquf bayna yaday Allah wa bil hisab, wa an al mawazin tunsab yawm al qiyamah. وتؤدي الحقوق لأصحابها فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر ومع ذلك يسأل الله ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعاونة والتوفيق والسداد فإن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. Et que le serviteur se rappelle constamment qu'il devra se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous dit وَيَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Un jour, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, ça correspond à 1000 ans de ce que l'on compte. Ça, c'est juste un jour. Que le serviteur se rappelle constamment qu'il devra se tenir devant Allah, subhanahu wa ta'ala, pour rendre des comptes, que les balances seront dressées le jour du jugement et que les droits seront rendus à leurs ayants droit. Cela doit l'inciter à la prudence et à la vigilance, en même temps qu'il demande sans cesse à Allah subhanahu, son Seigneur et notre Seigneur, exalté soit-il, le salut, l'assistance, la réussite et la rectitude, car l'affaire est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, seul, glorifié, exalté soit-il. « Fa al-wajib ala al-'abd an-nasih li nafsi an yattaqi adh-dhulm wa an yahdharahu ashadd al-hadar » Il incombe donc au serviteur qui veut sincèrement son propre bien de craindre l'injustice et de s'en préserver avec la plus grande vigilance. فَلْنَحْرَجْ جَمِيعًا عَلَى اجْتِنَابِ الظُّلْمِ وَلْنَكُنْ مُنْصَفِّينَ مَعَ أَنْفُسِنَا وَأَهْلِنَا وَأَقَارِبِنَا وَجِيرَانِنَا وَلْنُعَامِلِ النَّاسَ كَمَا نُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُنَا. Veillons tous à éviter l'injustice, soyons équitables envers nous-mêmes, nos familles, nos proches et nos voisins, et traitons les gens comme nous aimerions qu'ils nous traitent. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِنصَافَ وَالْعَدْلَ طَرِيقُ النَّجَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Et sachez que l'équité et la justice sont la voie du salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah exalté soit-il a dit dans la traduction du sens du verset 90 de Sourate An-Nahl. En vérité, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, le mal et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Nous avons encore Allah, glorifié soit-il, de faire de nous des justes et équitables, de nous préserver et nous sauver des oppresseurs, ainsi que de l'injustice envers nous-mêmes. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de secourir nos frères et sœurs et enfants en Palestine, qu'il leur donne le secours, la victoire contre leurs ennemis et son ennemi. هذا وصلوا وسلموا على خير الأنام فقد قال ربكم جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنصر عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من العادلين المقسطين ونجنا من الظالمين وظلم أنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اشف جرحاهم وارحم موتاهم اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشفاهم شفاء لا يغادر سقما اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم دمر اليهود الصهاينة وارينا فيهم هيئات قدرتك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد